faire là, un petit peu. Il nous reste deux chroniques à faire sur la sur le repêchage de la NFL. On va en faire une. On a manqué de temps, là, parce qu'avec tout ce qui s'est passé, avec les échanges majeurs dans la NFL et également les décès de Mike Bossy, Guy Lafleur. Mais on va en faire deux aujourd'hui. Et dans les prochains. Aujourd'hui, on va faire les meilleurs joueurs défensifs. On va parler d'un botteur qui réussit des bottés de 80 verges, des bottés de dégagement, qui sera repêché. Oui. Et on va parler également de on va demander à Hugues son mock draft, pas le mock draft de la première ronde. On va dire les 10 premiers choix à lui, plus le choix de nos Pats. Parce qu'on est moi et Hugues, on est partisans des Pats. Donc, on va parler de ça. Donc, salut Hugues Fouché. Salut Danny, ça va bien? Oui, ça va bien. Donc, on va y aller avec tes meilleurs joueurs défensifs, tout confondu. Puis on va parler de ce batteur-là, qui je t'ai demandé de fouiller un petit peu. C'est un batteur de dégagement qui est de San Diego State, je pense, qui réussit des bottes de dégagement de 80 verges. Jamais vu, là. Oui. Non, effectivement. Puis tu sais, ce qui est le fun au moins dans le cas d'un batteur, Danny, c'est facile de peu importe la conférence où il joue, c'est le même ballon. Fait que on n'a pas extrapolé, on le sait qu'il est capable de botter 80 verges. Ce qui effectivement c'est du jamais vu. C'est le meilleur, là, il est considéré comme le meilleur dans l'histoire à cette position-là. Pour pour les joueurs défensifs, je te suggère un modèle un petit peu différent d'habitude. Ouais. Je vais te les donner en ordre de ce que j'ai vu sur les tapes. Okay. C'est que on extrapolera après ça où ce que le gars va être repêché, mais moi j'y vais par ordre des meilleurs tapes, donc pas là, de projection, qui a les bras les plus longs, qui court un 40 verges le plus rapide. On prend les tapes, on dit lui c'est les meilleurs tapes, lui c'est les deuxièmes meilleurs tapes, puis ça aidera les gens à se faire une opinion un petit peu différente de ce qu'ils voient d'habitude là, sur Internet. Donc, vas-y mettons, ton top 10 des meilleurs des joueurs défensifs, peut y aller. Ouais. J'y vais. Donc, le premier choix, le premier n'est pas tellement difficile, là, il va être premier sur la liste de pas mal tout le monde, c'est Aiden Hutchinson de Michigan. Oui, donc Jacksonville va le repêcher, parce que, tu sais, honnêtement, la priorité de Jacksonville, c'est de protéger leur blue chip. Hein, oui. Est-ce qu'on va y aller avec un joueur de ligne ou d'après tout? Ben, on va y aller plus avec le mock draft, mais tu sais quand même, vas-y donc là-dessus. Hein. Oui, donc voilà, donc ça le, on pourra regarder avec Jacksonville qu'est-ce qu'ils vont faire quand on fera le mock draft, mais Hutchinson ne dépassera probablement pas Détroit au deuxième rang, surtout avec sa fréquence parce que c'est un kid de Détroit. Okay. Donc lui va être repêché dans le top 5. Écoute, ces tapes sont incroyables, là. J'ai pas besoin d'en parler longtemps. Vous savez qui il est. Vous savez qu'il est en nomination pour le Heisman. C'est rare qu'un joueur défensif est en nomination. Puis il méritait, là. C'est un petit peu une réplique des deux frères Bosa. Si vous voulez faire une idée, là, il est bon contre la course, bon contre la passe, travaillant. Il a un moteur élevé, une éthique de travail. Son père était une vedette de football aussi. C'est que son éthique de travail est irréprochable. C'est un joueur qui peut changer la culture d'une équipe, donc il va partir assez vite. Mon deuxième sur ma liste, Danny, ça va surprendre pas mal de monde. C'est pour ça que je l'ai fait dans cet ordre-là. Ça va être le fun. Écoute, le deuxième qui a les meilleurs tapes, c'est Nakobe Dean, secondaire intérieur de Georgia. Donc, gagnant du trophée Butkus, remis au meilleur secondaire. Ça a été première équipe All-American. C'est un ancien prospect 5 étoiles. Nakobe Dean va être repêché plus loin pour deux raisons. Il est petit un petit peu pour la position de secondaire, puis les secondaires intérieurs, ça a perdu de la valeur au cours des années. Donc, attendez-vous à ce qu'il soit repêché en fin de première ronde, mais ses tapes sont hallucinants. Il est tellement bon. C'est tellement un excellent joueur de football. C'est lui qui faisait les ajustements. C'est le capitaine défensif des champions du championnat national. C'est lui qui faisait les ajustements. Georgia, une défense complexe. Et c'était le gars qui faisait tous les ajustements défensifs. Il a un IQ de football très élevé. C'est un joueur... Tu sais, ça dépasse ses statistiques, l'excellence de ses tapes. Tout un joueur de football. Donc, Nakobe Dean, pour moi, là, c'est clairement le deuxième derrière Aiden Hutchinson là, pour la qualité de ses tapes. Probablement qu'il va être choisi plus en fin de première ronde. OK. Le troisième, il est connu aussi. Tout le monde sait c'est qui. Tout le monde le connaît. Là, quand je vais nommer son nom, tu vas savoir c'est qui. c'est son le coéquipier de Dean à Georgia, c'est Jordan Davis. Le gros plaqueur défensif. Georgia, je pense qu'il y a plusieurs joueurs qui ont sorti la première ronde, hein, de défensif. Quand on disait que c'était une défensive de la NFL, c'est quasiment ça, là. Oui, c'est carrément ça. Oui, écoute, c'est. Georgia avait une défensive extraordinaire cette année, là, parce que pas seulement pour les schémas, mais parce que c'est sûr que quand t'as un joueur comme Dean au deuxième niveau, puis que sur ta ligne défensive, t'as Jordan Davis, c'est dur d'être mauvais, tu sais. Écoute, Jordan Davis, c'est un monstre. Mais lui, écoute, je l'ai mis troisième, il va partir au milieu de la première ronde. Pourquoi? Parce que c'est un plaqueur défensif, c'est moins populaire que les alliés défensifs de un. Puis de deux, c'est un gars qui joue à peu près la moitié des snaps de son équipe en défense parce qu'il est tellement massif à 340 livres qu'il faut que tu le sortes du terrain régulièrement. C'est, tu vas-tu mettre un top 10 sur un gars qui est à la moitié du temps et pas sur le jeu? Pas nécessairement. Mais ça l'enlève pas qu'au niveau des tapes, il a dominé de façon incroyable. C'est un joueur fantastique. Quatrième choix, là, on va aller dans une plus petite université. Pour moi, c'est Sauce Gardner, le cornerback de Cincinnati. Deux fois First All-American, donc 2020-2021. N'a jamais donné un toucher à l'adversaire de toute sa carrière. Et cette année, écoute, Sauce Gardner donnait à peu près 15 verges par match au gars qui l'affrontait, puis y compris contre Alabama. Tu te rappelles la demi-finale, Alabama n'a rien été capable de faire contre ce gars-là, il était juste trop bon pour le receveur de passe. Alors, ses tapes sont incroyables, c'est tout un joueur de football, donc j'ai pas le choix de le mettre quatrième. Lui, il devrait partir dans le top 10, peut-être le top 5. Parce que cornerback, c'est très valorisé, puis il y a les atouts physiques. Le cinquième, c'est Kyle Hamilton, le safety de Notre-Dame. Donc, également, un autre first team All-American. Pourquoi je l'aime? Écoute, c'est un 6 pieds 4, 220 livres. C'est ce qu'on appelle un strong safety. Ce gars-là peut être à diverge la ligne de mêlée, puis venir faire un plaqué dans le champ arrière. Il couvre beaucoup d'espace, il plaque extrêmement bien. Il est bon contre la passe, il pourrait jouer free safety, strong safety, il pourrait jouer secondaire dans certaines situations. Il a toutes les qualités, c'est vraiment un joueur exceptionnel. Ses tapes sont fantastiques. Et même si les safeties sont pas valorisés au repêchage, Dali, il est tellement bon qu'il va il va certainement partir dans le top 10. Je le vois pas dépasser le 10e rang. Okay. Donc, un autre excellent joueur. Le 6e, pour moi, c'est Derek Stingley, le cornerback de LSU. Puis je vais te dire pourquoi. Lui aussi, c'est un ancien prospect 5 étoiles. Puis en 2019, il était probablement le meilleur joueur défensif de la NCAA à sa saison recrue. Mais ses tapes de 2020 puis 2021, il a été blessé, puis ses tapes sont moins bons. Alors, ça soulève un petit peu des inquiétudes. Ses tapes de 2019... S'il avait joué au même niveau que 2019 au cours des deux dernières années, il serait peut-être le premier choix au total de Rick Stingley. Donc, je l'ai descendu au 6e rang pour le pénaliser, mais ses tapes de 2019 sont tellement bons. Je vois tellement un deuxième Darrell Revis possible dans ce gars-là que j'ai pas le choix de le mettre 6e. OK. Ensuite? 7e, Kayvon Thibodeau. Écoute, tu mets loin, lui, tu mets... Parce que je le mets loin, hein? Ouais, les mock drafts, il était dans les mock drafts très souvent, là. Oui, mais je le mets pas... Comme je t'ai dit, Danny, je calcule pas le potentiel du joueur. Je calcule la qualité de ses tapes. Donc, pour un gars qui a ce potentiel physique-là, de se retrouver 7e au niveau de la qualité de ses tapes, ça l'enlève pas qu'il pourrait être parti dans le top 3 ou 4, parce que c'est un phénomène physique. Ses tapes sont quand même très bons. Écoute, 7e, c'est le plus loin que tu peux le retrouver parce que ses tapes sont quand même très bons. Mais c'est plus un gars qui attaque en vitesse qu'un gars qui attaque en puissance. Moi, j'aime mes joueurs de ligne pour être un petit peu plus puissant que rapide, dans le sens où Thibodeau, il a un bon premier step, mais il va se faire prendre un petit peu hors position une fois de temps en temps parce qu'il essaye de contourner en vitesse. Et ça fait en sorte que quand tu rates ta cible, ben des fois tu dépasses le corps arrière, ce qui est pas une bonne chose, ou des fois dans les situations de jeu au sol, il se fait un petit peu repousser par l'arrière, mais pas tellement quand même. Il est fort physiquement, mais c'est un petit peu plus un artiste de la vitesse qu'un artiste de la puissance. Fait que je l'ai mis 7e, mais je veux pas que les gens pensent que c'est parce que je trouve que ses tapes sont pas bons. 7e, c'est quand même d'excellentes tapes. Et là, il va y avoir un gros drop-off entre le septième puis ceux qui vont suivre. Les sept que je viens de te nommer là, c'est vraiment des tapes incroyables. Ce que je vais te nommer là, ça va être bon, mais significativement moins bon que ce que les sept premiers. Et le huitième, ça va être Devin Lloyd, le secondaire intérieur de Utah, qui est quand même très bon là. Lui aussi, tu l'as sûrement vu dans les mock drafts, assez ouais. élevé. Il y en a plusieurs qui l'envoient aux Patriots d'ailleurs, ce qui pour moi serait pas un très bon fit, mais ben, on moi, sait jamais. Moi, je pense que les Pats, on va en parler là, dans le mock draft, mais ça va être soit un receveur de passe ou un demi de ouais. ou un demi. Probablement un joueur de ligne, ouais, un joueur de ligne offensive ou peut-être un cornerback aussi, ça pourrait. JC Davis est remplacé. Ouais, ben c'est, ouais, si jamais. Mais là, on va en parler plus. On reviendra. La prochaine date, OK. Mais Devin Lloyd, là, écoute, c'est first team All-American, lui aussi. Deux fois premier team Pac-12. Ses tapes sont très spectaculaires. Alors, probablement qu'il y a des fans vont peut-être penser que ses tapes sont meilleurs que ceux, par exemple, de Nakobe Dean parce qu'ils sont plus spectaculaires. Mais ses tapes sont moins bons parce que c'est un joueur instinctif. Il fait des jeux spectaculaires, mais il se fait prendre hors position aussi. Si tu regardes autre chose que juste ses faits saillants, tu vas voir que des fois, en essayant de guesser, il suivra pas le système d'équipe et il va se faire prendre hors position. Ça va y arriver. Ça me fatigue. C'est comme un joueur au hockey qui marque bien des buts, mais il l'offre souvent, ou c'est un saineux, comme on dit. Il prend des chances, il se fait prendre en position, tu sais. Tu parles de tape, et tu parles de pro. Je te pose une question sérieuse. Le Pro Day, là, quand c'est le temps du Pro Day, là, et on l'a vu à NFL Network, ils ont fait des émissions spéciales, c'était complètement absurde, là. Kelly Pickett, et Mark Willis, qui sont de Liberty, Maverick Willis, pardon. Puis là, ils font ça 2 heures de temps, puis c'est qu'ils font, ils font une tournée, puis ils commandent. C'est absurde de faire des émissions spéciales sur des Pro Day. Quand c'est un Pro Day même, le joueur, là, joueur, je pense que les équipes le connaissent déjà. Tu penses, ça joue-tu pas mal, ça, sur qu'un joueur se présente à un Pro Day comme ça? Fait un Pro Day. Moi, je vais. Ben moi honnêtement là, je trouve que c'est complètement inutile. Je comprends pas non plus. NFL Network est en émission pendant 2-3 heures, puis Maverick Willis fait un Pro Day, mais il fait pas grand chose là. Pis, non, il lance un ballon, puis ça vaut pas une émission spéciale puis de déplacer des caméras, mais ça en tout cas, je sais pas là. Ah non, mais écoute, je suis d'accord avec toi, puis écoute, regarde David Ojabo qui s'est blessé pendant son Pro Day. Tu sais, je veux dire, il a perdu. Écoute, ce gars-là aurait été un top 10 au repêchage. Lui, il va se retrouver peut-être en deuxième ronde parce qu'il est blessé. Tu sais, je peux-tu te dire qu'il doit le regretter? Puis regarde, moi, je trouve ça ridicule. Regarde ce que les Pro Day puis l'NFL Combine font, là. Prends un gars comme Trevor Walker. Plus, c'est mieux qu'un Pro Day, là, je te dirais. Oui, ça paraît plus, mais prends un gars comme Trevor Walker. Ouais. OK, ce gars-là, c'était un choix de fin de première, début de deuxième ronde, puis sur le terrain, il vaut pas plus que ça. Mais là, il va peut-être être le premier choix overall, parce qu'à 275 livres, il court super vite. Bravo! Bravo, mais t'as pas dominé assez sur tape pour être. Tu comprends ce que je veux dire? C'est pas ça non plus. Tout ce qu'on fait. Parlez-en aux Raiders. Ben non. Raiders, hein, je dis encore Oakland. Las Vegas qui ont repêché leurs deux premiers choix là, qui ont mis des hors cette année parce qu'il y avait eu des bons combines. Exact. Mais au deuxième étage, ils se sont pas trop posé de questions au deuxième étage. Là, ils ont été obligés de le liquider. Puis pour moi, c'est ça qui a fait perdre la job à Mike Maycock. C'est un des selon moi. Hein? Clairement. Avec deux choix de première ronde, parce qu'il a obtenu des bons combines. Absolument. Écoute, tu as 3 ans pour observer le joueur, pour voir ses tapes, pour voir comment il joue, quelle vitesse il se déplace sur le terrain, parce que ça te donne quand même une bonne idée. Mais pourquoi tu aurais besoin d'un Pro Day pour le voir courir autour des cônes, puis le voir faire un 40 verges, puis le voir peut-être pour le passer en entrevue? Ça, je suis d'accord, Danny, c'est sûr que tu veux le passer en entrevue avant de l'engager, tu veux voir s'il y a une tête ses épaules. Là. Mais encore là, tu peux parler à tes coachs, tu peux parler à des gens autour de lui qui vont te le dire s'il est sérieux ou pas. Tu vas passer une entrevue, tu vas y faire un profil psychologique. Puis tu sais, ça vaut quoi vraiment par rapport à ses performances sur le terrain? T'sais, le gars, il était incroyable sur le terrain, mais parce qu'il répond pas super bien aux questions d'une entrevue, tu le repêcheras pas. Tu sais, je trouve ça. Non, moi aussi, je suis pareil que comme toi. J'aime mieux ce que je vois sur le terrain. que de Ben oui, mais c'est repêcher un important gars. aussi, ouais, mais au deuxième étage, c'est important de savoir ce qui se passe au deuxième Ben étage oui, aussi. Parce que les Raiders aussi. d'Oakland, Las Vegas, là, Oui, je suis oui. pas sûr, moi, que Non. s'ils avaient évalué le deuxième étage, je parle du génie de la tête, du QI, là, ils Oui, l'auraient repêché, là. oui. T'sais, en tout cas, bref. Probablement pas. Ils ont pêché des gars parce qu'ils ont couru des 40 verges rapides, Ouais. mais ils n'ont pas, comme tu dis, ils n'ont pas regardé ce qui était au deuxième étage trop. Ouais. Puis ça a donné Ça a donné ce que ça a ça donné. a donné ça. Ben, Ouais. oui, exactement. Ils ont gaspillé deux fois de première ronde, puis le directeur général a perdu sa job. Ouais. Tu sais, c'est important de voir, effectivement. Puis quand tu regardes des Pro Day, je suis bien d'accord avec toi. Mais c'est ça. Pour revenir Ouais. à la liste, Devin Lloyd, 8e. OK. 9e, j'ai mis 9e, excuse-moi, j'ai mis Trent McDuffie, qui OK. est un cornerback de Washington. Je sais pas si tu en as entendu beaucoup Non, pas parler. tout. Là, tu me perds un peu. C'est un super de bon. Tu sais, Washington produit des bons demi-défensifs année après année. Lui, c'est le meilleur moi, je te dirais que c'est le meilleur à sortir de cette université-là. Il est pas aussi bon que Stingley ou Sauce Gardner, mais il est très complet. C'est-à-dire qu'il est très bon en zone, en homme à homme. Il plaque bien, il fait tout très bien sur le terrain. C'est que c'est encore là, c'est pas un phénomène physique, mais ses tapes sont assez incroyables. Puis 10e, j'ai mis David Ojabo. J'ai J'adore entendu parler. tellement ce joueur-là de Michigan. Donc, Ouais. ça me fait on a deux joueurs de Michigan dans le top 10, puis deux joueurs de Georgia. Ce qui est pas Mais surprenant, Michigan. Georgia, écoute, c'est une défensive de la NFL, excuse-moi. C'est quasiment ça cette année. Oui. Puis Michigan, on l'oublie, ils Ouais. ont gagné le Big Ten, puis ils se sont rendus dans les playoffs aussi, là. Ouais. Alors, c'est quand même une équipe. Puis Ojabo, quand je regardais jouer Hutchinson, puis Michigan cette année, je vais être franc avec toi. David Ojabo, il y a des matchs où je le trouvais meilleur que Hutchinson. Il y a été une partie de l'année où Ojabo jouait tellement bien qu'on disait, ça devenait comme un peu de dire, écoute, es-tu meilleur que Hutchinson? Puis finalement, non. À la fin de l'année, Hutchinson s'est démarqué d'Ojabo. Puis Ojabo, il y a un problème, c'est qu'il joue presque uniquement dans les situations de passe. Donc, on ne faisait pas beaucoup jouer dans les situations de course. Mais ses tapes sont quand même tellement extraordinaires que je le mets quand même dans le top 10 parce que son potentiel de devenir éventuellement une vedette dans la NFL est là. Veux-tu qu'on arrête sur ce Les top cartes 10 ou tu cachées. veux que je te nomme rapidement La carte cachée. les... OK, parfait. Oh mon Dieu, j'en ai une couple de cartes cachées, moi, te dire. Mais écoute, un gars que moi j'aime particulièrement, là, c'est Dax Hill de Michigan. Je vais le mettre comme carte cachée. C'est un ancien prospect 5 étoiles. Il peut jouer cornerback ou safety. J'y croyais pas trop jusqu'à ce que je le regarde d'un peu plus proche. Et puis sa versatilité est incroyable. C'est un gars qui a un très haut quotient de football. Daxton Hill, donc de Michigan, je vais le mettre comme une carte cachée. Ça devrait être un choix de fin de première ronde, encore une fois, mais je pense que ça va donner tout un professionnel. Donc, on va y aller avec ce gars-là comme carte cachée, mais OK. j'en ai eu quelques autres. OK. Le batteur qui fait des bottées de 80 verges régulièrement. Il se nomme. C'est Oui. un. C'est un. C'est un. Je cherchais pendant que je te parlais, là. Je le trouve pas. C'est quoi? Oui. Son nom. J'ai juste entendu parler qu'il y a un batteur qui allait être repêché, qui fait des bottées de 80 verges. Chez qui? Matt Araiza de San Diego State. OK. Donc, c'est son nom, Matt Araiza de San Diego State. Écoute, il a déjà obtenu les cotes les plus élevées partout où on a pu regarder. Et les batteurs de dégagement, il y en a toujours un ou deux qui sont repêchés. Il n'y en a jamais qui partent avant la 5e ou 6e ronde. Des fois, et en plus, là, juste pour te dire, ce gars-là a couru un 40 verges en 4,68. Qui pourrait quasiment. C'est un 6 pieds 1, 200 livres, puis 4,68. Il pourrait quasiment jouer comme demi-défensif ou receveur de passe, tellement qu'il est athlétique, en OK. plus d'être un batteur. Il est surnommé Punt God, OK. le dieu du botté. Écoute, il joue pour San Diego State, puis effectivement, il est capable, il a réussi certains bottés de 80 verges. C'est du jamais vu. Et puis, il n'y a pas juste le fait qu'il réussit des bottées de 80 verges, il réussit des bottées aussi à l'intérieur là, de la ligne de 10 de l'adversaire. Donc, il contrôle ses bottés. Ah, ça, puis, c'est un gaucher. Ouais, c'est un gaucher. C'est un gaucher, Danny. Ouais. Bill Belichick ne repêche que des gauchers parce que il considère que quand c'est un gaucher, le ballon tourne du mauvais bord, puis ça procure ou de l'autre, tu sais, le ballon tourne au sens inverse de ce qu'il fait pour un droitier. Puis Belichick, qui est toujours maniaque des détails, a toujours considéré que ça donnait un avantage d'avoir un ballon, ça provoquait plus d'échappées, puis les joueurs avaient un petit peu plus de difficultés à contrôler le botté. Fait qu'il repêche que. C'est le genre de gars que Belichick pourrait peut-être repêcher avec les Patriots, là, si jamais il est disponible un peu plus loin. Il s'est déclaré éligible. Hein? Ouais. OK. Oui, il va être repêché cette année. OK. La question, c'est de savoir où. Et tu ferais quoi avec? C'est le cinquième, un gars comme ça qui contrôle ses bottés, parce que ça, c'est important aussi. Ah, oui, oui. Puis qui est capable de positionnement sur le terrain. C'est important le positionnement sur le terrain. Là. Tu fais des bottés de 80 verges. C'est assez intéressant. Il vaut sans l'ombre d'un doute un choix de cinquième ronde, sans l'ombre d'un doute. Ouais. Puis peut-être un petit peu plus élevé que ça. Moi, je pense que je serais pas surpris qu'une équipe qui est déjà assez bien nantie puisse penser à ce gars-là en quatrième ronde. Là. En haut de ça, ça serait peut-être un peu élevé là, pour un batteur de dégagement, mais 4 ou 5e ronde, je pense que c'est très, très élevé pour un batteur. Là, il va partir dans ses. Dans ces rangs-là, écoute, il y a déjà un précédent. Il y a un batteur qui avait été repêché en première ronde, qui était Ray Guy à l'époque. Là. Hey. Mais le football était différent. Okay. Oui, oui, avec les Raiders, Danny, dans le temps, dans le bon vieux temps, avec les Raiders. Ray Guy est au temple de la renommée en passant comme batteur de dégagement. Qu'est-ce qui était la motivation pour. À l'époque, c'était de flipper le terrain. Puis à l'époque, là, on est dans les années 70. Le football est différent. Les défensives dominent. Des bottés, t'en as peut-être, je sais pas moi, 7 ou 8 par match. Fait que là, c'est bien évident que dans ce contexte-là, d'avoir un batteur qui peut complètement flipper le terrain, c'est une arme intéressante. Dans le football d'aujourd'hui, t'as 3-4 bottés par équipe, là, par match, gros maximum. Ça devient moins intéressant d'avoir le meilleur batteur de dégagement de l'histoire. Tu sais, ça vaut peut-être pas un choix de. Mais à l'époque, le football était tellement différent. Les Raiders avaient quand même surpris tout le monde. Mais écoute, excuse-moi, mais quand tu repêches un gars qui se retrouve au temple de la renommée, même si c'est un batteur, peut-être pas en première ronde, mais en deuxième ronde, ça aurait été un bon choix, tu sais, parce que le gars quand même était très. C'était un choix de première ronde aussi, puis c'est les Raiders, encore une fois, là, qui l'avaient repêché. Les Raiders, lui, c'est un batteur de placement, mais effectivement, c'était élevé aussi. Mais lui, il réussissait. Ah oui, mais. Puis écoute, est-ce que ça a été le meilleur batteur? Non. Dans le cas de Johnny Kowski, pas du tout, même. Mais ce qui était bon, oui. T'sais, c'était quand même un très bon batteur. C'est un gaucher aussi? Oui, puis effectivement. Puis écoute, c'est quand même un gars qui réussissait des bottés avec régularité des bottés de 50 verges et plus. Là. Donc, il y avait une jambe extrêmement puissante. Il était bon. C'était pas le meilleur, mais c'était pas. Mais en première ronde, c'est élevé. Hein. Faire un geste comme ça en première ronde, moi, je le ferais pas, ni en deuxième. Là. Ouais. Mais je te dirais qu'à partir de la fin, là, tu sais, des choix compensatoires en troisième ronde. Ben, honnêtement, pour un gars qui est capable de mettre ça 80 verges, puis écoute, je regardais de ses bottés, Danny, au combine, peut-être que pour un batteur, le combine a un petit peu plus de sens. Ouais, ça, mais un combine, c'est Indianapolis, c'est dans un dôme. Là, faut que tu calcules le vent, faut que tu calcules. Effectivement. Mais écoute, il a fait un botté à peu près de sa ligne de 30, puis il l'a mis à l'intérieur du 10 de l'équipe adverse. Ouais, mais c'est le ballon est tombé. Là, t'es dans les conditions idéales. Oui. Non, absolument, mais juste pour te dire que je pense que même dans les. Là, je suis en train de voir un botté de sa part. Il est à sa ligne de 5, puis le ballon atterrit à l'intérieur du 20 de l'autre équipe. Mais le vent, là, c'est oui. Là, il joue à San Diego State. C'est ça, San Diego State, c'est des conditions idéales aussi, là. Donc, Oui, absolument. C'est des conditions. Oui, tout à fait. Faudrait voir qu'est-ce qu'il peut faire, effectivement, t'as raison. Avec le vent, avec tout ça. Oui. Ça, on le sait pas, mais. C'est sûr qu'il fait des choses qu'on n'a jamais vues de la part d'aucun autre batteur. C'est intéressant quand même c'est quand même un joueur historique, là, aux possibilités d'être un joueur historique. Ouais, ouais. Hey, c'est que quatrième, cinquième ronde. Dernière question, Arch Manning, je voulais t'en parler la semaine passée. Arch Manning, le oui. fils de Peyton, puis le fils de Eli, non, pas le fils de Peyton, ses parents, c'est le fils de, c'est le neveu de Peyton et Eli, c'est ça? Oui, lui, oui là, exactement. Il est en train de commencer à regarder son collège, si je ne m'abuse. Là, oui. Il commence à visiter des... Lui, c'est un 5 étoiles déjà. Oui. Ce qui est extraordinaire, c'est déjà 5 étoiles avec le nom Manning, c'était full game. Oui, oui, oui. Est-ce que ça veut dire oui, automatiquement oui. Ole Miss? Ben, Peyton avait joué à Tennessee. Eli avait joué à Ole Miss. Donc, moi, je pense que non. Honnêtement, je suis pas sûr. En tout cas, moi, je lui suggérerais de choisir sa propre université, puis de pas nécessairement, surtout que c'est pas deux universités qui ont des très bons programmes présentement. Non. Ole Miss, peut-être un peu plus, parce qu'ils ont Lane Kiffin. Mais, non, moi, je pense... 5 étoiles, tu peux vraiment choisir ton collège, là. Hein? Fait que, tu sais... Totalement. Totalement. Ça, dans une division SEC, non? Ouais, moi, j'irais avec... je pense que soit que tu peux aller à Alabama, soit que tu peux aller à Georgia ou c'est ce genre de place-là. Ouais. Une place qui pourrait être intéressante pour lui, c'est avec Lincoln Riley, qui est rendu Lincoln Riley, c'est USC ou UCLA? C'est USC. USC, USC Lincoln Riley. C'est l'ancien coach d'Oklahoma qu'il y a plusieurs joueurs qui se sont déprogrammés, qui étaient considérés comme Oklahoma, puis ce sont des affiliés. À l'animation de Lincoln Riley. Oui, puis Lincoln Riley, n'oublie pas qu'il a produit deux premiers choix overall, puis un choix de deuxième ronde au poste de quart dans les dernières années, là, qui est Baker Mayfield, Kyler Murray, puis Jalen Hurts. Mm. Alors lui, tu lui donnes un carrière, puis t'en fais un choix de première ronde. Alors, tu sais, c'est un des génies offensifs de la NCAA. Mm. Ça pourrait être une bonne place. En tout cas, moi, c'est une place que je considérais, puis aller jouer à Los Angeles, c'est pas désagréable non plus. Fait que, hein, on s'entend. Puis il va être entouré d'un paquet de bons joueurs. Mais lui, aussi, c'est juste l'an prochain qu'on va le savoir, là, c'est quoi. Ouais. Là, je sais qu'il visite des collègues. Il a déjà commencé à faire sa visite. Puis les médias, ben, le surveillent beaucoup. ESPN, entre autres, parce que c'est. Écoute, tu présentes des matchs au high school. Il présente des matchs de lui au high school. Tu t'as donné une idée comment il a la pression, ouais. là. Fait que. Ah oui, non, c'est clair. Oui. Écoute, c'est il porte un nom. Un nom royal au football. Là. Oui, ouais. Un nom légendaire au football. Mais je veux juste te dire, parce que là, pour les gens aussi, il ne faut pas s'en faire trop parce qu'il peut décider de signer une lettre d'intention pour une école puis changer l'année prochaine. On le sait comment c'est. Là. Jusqu'à la fin, même si le joueur dit « je m'en vais à telle université », il faut vraiment que ce soit jusqu'à la limite parce qu'on voit ça souvent, là, des changements. Ouais, Il se commet, il se décommet. Il va falloir attendre la dernière minute. Mais moi, je pense que ça va être soit une grosse université du SEC ou soit une place comme USC pour pouvoir jouer avec Lincoln Riley. Ça serait les choix logiques pour lui. Je ne vois pas à l'extérieur de ça. Là, je ne vois pas aller. Peut-être Ole Miss, t'as Lane Kiffin. T'as Lane Kiffin qui est quand même un bon coach. Mais tu sais, puis c'est lui qui était le coach de Matt Corral, qui va quand même être un choix de première ou deuxième ronde cette année. Donc, c'est pas si mal. Tennessee, ça fait des années qu'ils sont pas bons. Je peux. S'il va à Tennessee, ça serait vraiment un drôle de choix de sa part, là, honnêtement. Je le vois pas aller là. Même si Peyton allait à Tennessee, non. Peut-être Ole Miss, mais je le vois pas aller là non plus. Je pense qu'il est en position de choisir un gros programme, puis c'est évident qu'il va devenir le partant assez rapidement. Dans ça. Peut-être Ohio State aussi, on n'en parle pas, mais... ça serait pas un mauvais choix. Ohio State a produit quelques bons joueurs, mais Ohio State ont actuellement un jeune carrière qui est excellent. C'est que je pense pas non plus. Alabama, Bryce Young, il va être parti l'année prochaine. Ouais. Il s'en va à NFL, c'est sûr. C'est que ça pourrait être un bon choix aussi.